Et on débute ce balado avec les applaudissements, comme chaque soir à 20h, sur nos balcons, à nos fenêtres. Traditionnel applaudissement des confinés pour rendre hommage aux travailleurs essentiels qui luttent contre le Covid-19. Partout dans le monde, ce même mouvement, comme ça, de fraternité. Ça se poursuit d'ailleurs souvent par des discussions aux fenêtres entre voisins confinés. Ici, par exemple, dans le quartier de la cathédrale, les premiers applaudissements retentissent avec les cloches de la cathédrale à 20h. Alors ce mouvement est né en Italie, il y a quelques semaines seulement, à une époque où on regardait encore l'Italie avec un peu de condescendance, comme ce pays d'indisciplinés qui n'était pas capable de contenir ce virus. Et les Italiens qui se sont sentis abandonnés très rapidement par l'Europe, les frontières se sont refermées et les premières polémiques sont nées, notamment sur l'Europe. Alors on s'est tourné vers l'Europe pour voir comment l'Europe allait pouvoir réagir face à cette épidémie qui touchait la plupart des pays européens. Une session parlementaire s'est tenue il y a quelques jours à Bruxelles, une session porteuse d'espoir avec un accord européen d'aide, notamment dans le secteur de la santé, mais également pour l'économie. Et ben, on va en parler avec Fabienne Keller, qui est eurodéputée, qui a participé également à ces débats. Et ben, on va l'appeler, tout simplement. Bonjour Fabienne Keller. Bonjour. Vous sortez d'une session du Parlement européen, mais avant d'en parler, je voulais prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous en cette période particulièrement compliquée? J'ai beaucoup de chance. Je vais bien et mes proches aussi. Mais bien sûr, l'Alsace est très touchée par ce terrible coronavirus et je connais beaucoup de personnes malades et pas mal de personnes décédées aussi, notamment des élus qui ont été très touchés. Évidemment, les élus ont été également en première ligne avec les élections municipales qui se sont tenues. Ça paraît lointain maintenant déjà. Le temps de la polémique arrivera certainement. J'aimerais qu'on parle peut-être du Parlement européen avec cet accord européen qui a été trouvé sur la crise. L'activation de 410 milliards d'euros du mécanisme européen de stabilité pour les pays les plus touchés et le lancement également d'un véritable plan Marshall qui devra permettre de mutualiser les investissements afin de permettre la relocalisation d'activités stratégiques, donc comme la production de médicaments, de masques notamment. Oui, de cette crise faisant une opportunité, la réindustrialisation, on en parlait avant. Mais là, par exemple, on a vu combien ce n'était pas raisonnable de dépendre pour les médicaments, pour les masques, pour le matériel médical d'importation de pays très éloignés. Donc ça nous met en lumière en fait une priorité. Donc nous proposons là, ensemble, une très large majorité du Parlement européen, que l'Europe passe à l'action. Avec notamment donc ces 410 milliards du mécanisme européen de stabilité pour les pays les plus touchés, concrètement, les pays les plus touchés. C'est un mécanisme qui a été créé, imaginé, au lendemain de la crise de 2008, pour que la fragilité à l'époque de l'Europe et ses difficultés à construire une relance économique coordonnée ne soient plus... qu'on ne soit pas autant en difficulté. Donc ce mécanisme est activé, il a une gouvernance propre, un pilotage propre, et le principe en est que les pays les plus touchés, aujourd'hui vraisemblablement l'Italie, mais la France n'est pas très loin, pourraient tout particulièrement en bénéficier pour que les PME, pour que les artisans, pour que l'ensemble du monde économique puisse redémarrer sans tarder. À propos de l'Italie, justement, on a beaucoup critiqué l'Europe au moment où l'Italie basculait dans cette crise, en disant que l'Italie était un petit peu abandonnée. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors la France a envoyé des masques et des équipements, d'autres États membres aussi. Mais il faut dire qu'au début de la crise, l'état de sidération était très fort. La coordination pas encore en place. Donc il y a eu à la fois des gestes de solidarité, mais aussi... peut-être un peu de prudence parmi les États européens pour garder du matériel pour ses propres personnes en grande difficulté. Mais en quelques jours, tout ça a été mieux organisé. Et aujourd'hui, on peut dire que la coopération est très positive. On voit par exemple, nous en Alsace, combien l'accueil par des hôpitaux allemands, mais aussi il y en a eu en Belgique, au Luxembourg, de personnes en réanimation au moment où nos services étaient saturés, proches de la saturation, a permis de passer le plus fort de la crise en termes hospitaliers. Ouais. Et hors de l'Union européenne également, avec la Suisse notamment. Avec la Suisse, oui. Ouais. Une aide également de plus de 3 milliards d'euros pour soutenir le secteur de la santé, ça aussi c'était évidemment nécessaire. Oui, ça c'est immédiat. Il y a eu par exemple un grand programme de recherche sur la maladie qui s'appelle Discovery, qui utilise les meilleurs laboratoires et hôpitaux d'Europe, mis en route très très rapidement pour mieux comprendre le mécanisme de la maladie. Il faut dire que dans le domaine de la santé et de la recherche, les spécialistes ont l'habitude de coopérer en Europe. Il y a déjà des programmes depuis de longues années. Et donc, cela a été très opérationnel rapidement en s'appuyant sur la compétence, sur l'excellence, pour se donner toutes les chances de trouver, de mieux comprendre ce virus. C'est là qu'on voit aussi que l'Europe est une mine de savoir-faire. Mais voilà, ce choc nous a permis peut-être de les mettre en réseau avec plus de moyens qu'ils n'auraient pu en l'absence d'épidémie. Merci beaucoup Fabienne Keller. Je rappelle donc cette plénière qui s'est déroulée au Parlement de Bruxelles. Simplement, concrètement, ça s'est passé comment pour garder ces distances sociales? Alors concrètement, moi j'étais en visioconférence, à distance, comme la grande majorité de mes collègues. Et puis il y en avait un certain nombre, je ne sais pas combien, mais quelques dizaines seulement sur... les 750 députés qui étaient physiquement dans l'hémicycle avec des distances pour chacun, de manière à limiter le risque. Mais on se rend compte que grâce aux nouvelles technologies, on peut faire de belles choses à distance. Alors c'est moins bien franchement que le contact humain, mais je pense que dans le domaine du Parlement européen, mais comme dans l'éducation, dans les entreprises, on a découvert que ça pouvait être... utile à certains moments. Ça donnera peut-être des idées pour la suite. Oh, je pense qu'il y aura un après, oui, ou que pour des personnes qui travaillent régulièrement ensemble, eh ben, de temps en temps, travailler ensemble en vidéo, c'est possible aussi. C'est un nouveau moyen de communiquer.